J'ai longtemps pensé à briser la chanson. Quand y a un petit bonhomme qui m'a fait la leçon, il m'a dit j'ai besoin de toi, vu que t'es mon papa. Et moi, qu'est-ce que je deviens si t'es pas là? C'est peut-être bien pour ça que je reste, peut-être bien pour ça. Mon petit amour, mon grand amour, je t'aime si fort que j'ai mal quand t'es pas là, quand je suis loin de toi. Y'a pas de vent favorable quand tu sais pas où aller. Rien de neuf sous le soleil, sauf que t'es arrivé. Maintenant j'ai comme une bosse quand t'es loin de moi. Je m'ennuie de toi comme un gosse, t'es mon Noël à moi. J'ai même fait une chanson pour toi. Bob Dylan l'avait dit à sa façon, il avait dit ça. Écoute mon ami, écoute dans le vent. Ah non, il n'avait pas dit ça, il avait dit. Listen my friend, it's blowing in the wind. Écoute la réponse, et dans le vent.